11 mars 2019, je fais genre que tout va bien, j'ai que de la peine à revendre. J'ai donné le doigt, j'ai plus la main, ça quitte derrière, ça se pète à devant. Les passants passent, y'en a tout air, se tape des putes puantes. Moi dans ma tête, c'est les trous d'air, les basses, les turbulences. T'as l'heure, j'irai qu'un nouveau son s'appelle Nouveau Départ. Positive est l'intention, à croire que je me connais pas. En arrière-plan, je dévoile ma vie sur un vulgaire Bluetooth. Parce que j'essaye de transformer ma tristesse en lumière pour tous. Si je m'écoute, je me fous en l'air, je me fous de celles qui bougent leurs fesses papées. Ou je rappe ma rage sur un cesse-papier. J'éponge la haine en quantité sûre. Me l'envoyer en plein cœur, c'est comme me tirer dessus. La race humaine me dépecte, me sort par les yeux. A tous ceux qui me détestent, n'ayez crainte, je partirai par les cieux. Si je suis normal de vide, dans le néant à balle de vide. J'écris des 16 en 20 minutes, moi quand j'ai le mal de vivre. J'en ai marre de transformer la tristesse. Étrange à ce qu'il ne reste que de la tristesse. Un souk avec le mal. Regarde là devant dans ta vitesse. Dans la tripe, tu te laisses appliquer de ce vent. Avec le mal. J'en ai marre de transformer la tristesse. À finir dégoûté, j'en ai troué des choses. Un souk avec le mal. Regarde là devant dans ta vitesse. Dans ma tristesse, t'auras goût de l'écoute en face. Suffit d'un triste accord des notes. Ma peine est froide. Quelques larmes d'alcool, trique le sourire triste. Suffit d'un triste accord des notes. Grande gueule, je dis pourtant triste et seul. Parce qu'on est ni trop faible, ni trop fort. Suffit d'un triste accord des notes. Ma peine est froide. Quelques larmes d'alcool, trique le sourire triste. Suffit d'un triste accord des notes. Grande gueule, je dis pourtant triste et seul. Parce qu'on est ni trop faible, ni trop fort.